services de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88 558 86 58. JacquesDulac.ca. À chacun son style. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Tu nous coupes ça, là, Bruno, ce soir? Là. T'es un radical? Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. On ne marchera pas ses pieds ce soir. Ouais, Bruno, non, non, hein? Non, il n'y a pas l'air. Là. Oh, non. Oh, la tangente s'est arrêtée toute sec. Ouais. Ben, bonsoir, Marc. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Bruno. Est-ce que vous êtes prêts pour 2 heures de bon prog? Oui. Préparez-vous. Nous prenons le contrôle de votre appareil. Nous contrôlons le balayage vertical, le balayage horizontal. Ça te rappelle-tu quelque chose? Oui, oui. Au-delà du réel. Au-delà du réel. Bon, trêve de plaisanterie. On va commencer ce soir avec... Ça nous vient de Suède. C'est pas nouveau, mais étant donné que Rickard Sjöblom de Birdfish nous visite... c'est dans une semaine et un jour, 8 jours. Absolument. À l'anti, donc. Mais là, j'ai au lieu de faire jouer du Birdfish ou de son disque solo. Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui savent que Rickard avait aussi un autre groupe qui s'appelle Gongfly. 2 disques. Ça te revient peut-être. Hein? Tu le mentionnais l'autre jour. C'est aussi... Il y a peut-être des membres de Gongfly qui pourraient jouer. Que, c'est parce que... Là, tu me vois venir. C'est parce que les musiciens qui accompagnent Rickard de dimanche le prochain à l'Anti, ces 2 musiciens de Gongfly, les frères Diamond, pour être plus précis, à la basse et à la batterie. Super. C'est vraiment une section rythmique. Là. Et puis avec ce petit génie de Rickard, si tu l'as vu, l'œuvre. C'est un. Tu sais, il y en a qui tombent dans l'armite. Lui, c'est son cas. Donc, ben, on va vous faire découvrir un peu de Gangfly. Ça n'a pas beaucoup joué. En fait, je pense que ça n'a pas joué. Oui, je pense que c'est la première fois à l'émission. Ouais. Et puis, ben, on a bien d'autres choses. 2 heures de bon prog, et puis, ben, on prend le contrôle. Allons-y. Folks, it's just a place at the through the broken glass, the window to where time don't pass. Such a terrible thing to be stuck here. So get your keys and start your car. Drive somewhere, make sure it's far away. Then it's okay to go places that you wanna go. Show the people how a man can glow if you let him go. Through this ghost-like town, no one's left here, everyone's gone home, but the bar's still open. Sun shines on, let's start that car. Destination somewhere far away. Then it's okay to sing songs with an open mind, telling everyone you left behind that it is time. And it's Oh, Glasshammer, eh oui, petite nouveauté. Valkyrie. Et, vraiment excellent, hein? J'allais écouter. Là, puis, ça boit leur 17e disque studio. Ah oui, ils sont les encore gars. Inspirés. Ils ont encore du jus. Hein? Absolument. Steve Babb m'expliquait en entrevue que c'est un de leurs premiers disques depuis longtemps où tout le groupe se retrouve en studio. Puis ça avait été pratiqué longtemps aussi. Pratiqué pendant des mois avant. D'enregistrer. Et enregistré. Tout le monde, vraiment, tout le monde se regardait dans le blanc des yeux. C'est moins courant que c'était. Et puis, lui est convaincu que ça a été, pour une bonne part, là, ça a joué dans le succès de ce disque-là. Absolument. Puis on le sent, d'ailleurs. Tu sais, c'est ouais, pas, on vous le recommande chaudement. Là. Et c'est pour ça que Karl Grove n'est pas de la partie. Parce oui, le chanteur qui était là. Il n'était pas en mesure de suivre le rythme parce que ça a l'air que c'était très exigeant. Là. C'est une implication de plusieurs mois. Et puis, ben, vu qu'il ne reste pas dans le même patelin que Fred et Steve, c'était comme assez compliqué pour lui. Et enfin, ça veut pas dire qu'il est éliminé du décor, mais Steve m'a bien précisé que dorénavant, tous les disques de Glasshammer vont être enregistrés de cette façon-là. Ah oui, ah oui. Ouais, ah oui, ouais. Vraiment, ils se sont dit, là, c'est comme ça qu'on c'est fait de la ça. Musique. C'est hein. comme ça qu'on ça, fait de la musique. Oui, c'est ça. Quand tu fais un disque comme ça, là, ouais, ça paraît. Il y a du feeling. Oui, exactement. Donc, c'est ça, Valkyrie, leur 17e disque studio. Juste avant, il y avait Gunfly. Gunfly, Please Be Quiet. Ça, c'est le premier disque du groupe formé là, des frères Diamond et de Richard Schaublum de Birdfish, ex-Birdfish, parce que le groupe n'existe plus. Et puis, on avait aussi en entrée Gunfly du second disque Lamentation. Des disques qui, curieusement, sont, pour ainsi dire, là, introuvables maintenant. Ah oui? Ouais. Il n'y a pas eu de réédition. C'est des années 2000 quand même. 2000, mon écoute, là, je suis vite de même. Dans les années 2000. Je pense qu'il y en a un qui était 2011, puis l'autre était 2004, 2005. C'est que c'est quand même pas si loin, mais les tirages ont été épuisés. Mais maintenant, avec le marché du CD, les choses sont peut-être un peu plus rapides. On passe au suivant. Avait donc Ricard qui va être en spectacle là, la semaine prochaine. Venez voir ça. Là. C'est Lanty. Ben oui. Dimanche. Avec Necro Monkey, et l'ancien batteur d'Anglagarde. Et puis, notre groupe de Québec, Inner Odyssey, qui ont déjà joué quand même à deux reprises dans le cadre de la Convention Terra Incognita. Puis à chaque fois, je pense que les gens en ont eu... Ouais, c'est un groupe qui évolue d'une belle façon. Belle évolution. Puis ouais. c'est rassurant quelque part de voir des jeunes qui prennent cette voie-là, parce qu'il n'y en a pas une tonne. Et puis ben la relève, on la prend. On l'accueille à bras ouverts parce qu'il n'y en a... Il n'y en a pas beaucoup. Effectivement. Parlant de spectacle, il y a demain Martin Barr. Martin Barr qui a été pendant 43 ans, je pense, le guitariste de Ben, Jet Proton. Écoute, ça a été le guitariste, on peut dire le bras droit de Ian Anderson, ça, là, depuis le début des albums. C'est quand même... une grosse partie du son de Jet Rotor. Ouais. En spectacle demain à la salle Sylvain Lelièvre, on a une paire de billets. Oui, exactement. Michel. C'est que une paire de billets à faire tirer. On pourrait dire la première personne. Est-ce que tu as un numéro de téléphone à donner, Marc? 640-1586. Et puis notre réceptionniste va vous répondre. De prénom. Bon, on va arrêter. Il n'est pas de bonne humeur ce soir, je te l'ai dit. On va y faire un petit tour. Mais écoutez, on va le répéter quand même. Le Martin Barr, demain soir. À la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou. Je pense qu'il n'y a pas de première partie. Là. C'est à 20h. Moi, je ne me risquerais pas à dire ça, là, mais c'est sûr que c'est à la salle Lelièvre. Ça, c'est sûr. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez téléphoner pour une paire de billets. On s'en va en musique avec un groupe canadien de Toronto que j'aime beaucoup, en fait, Half Past Four. Oui, c'est un mini qui vient de sortir, Land of the Blind, 5 pièces, dont une que moi, ça m'a fait un énorme plaisir de découvrir qu'il y avait une version d'une pièce de Max Webster. On va probablement en mettre en finale ce soir. Moi, c'était... Écoute, je me rappelle quand j'allais voir... Enfin, on en reparlera plus tard, parce que là, on y va en musique, sans plus tarder, donc... Half Past Four.

Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88 558 86 58. JacquesDulac.ca. À chacun son style. Ma mère passait la journée à chanter. Elle se souvenait de rien sauf les chansons. Et il y a cette magie de la chanson, de la musique que je voulais. Je sais pas si j'ai réussi à la traduire, mais c'est cette chose extraordinaire qu'est la musique qui, malgré la perte de mémoire, reste. Et ça me donne confiance dans mon métier, dans ce que je fais. Maman s'embarque sur le grand Mississippi. Elle nous salue à peine, elle nous pourquoi je quitte. Sans se retourner, elle s'éloigne sous la pluie et elle chante. Les chansons apaisantes de Daniel Lavoie à Sentier Secret, mardi 11 octobre à 13h30. De retour avec Bruno et Michel. Oui. Marc et la musique, la super bonne musique qui vient de jouer, là, c'était vraiment intéressant. Ah, ça, c'était, oui, italien. Je vais me risquer une prononciation, là, Ad Majora, de l'album Repetita Juvent. L'Italie, là, je veux dire, je pensais que c'était pour s'essouffler, mais non, c'est pas encore. À quelque part, je ferais comme un parallèle avec ce qui se passait là, en Scandinavie dans les années 90. Là. Et, tu sais qu'à chaque semaine, tu découvrais un nouveau groupe. Et puis, c'est un peu le cas de l'Italie, puis ça fait plusieurs mois que c'est le cas. Là. Tu sais, je pense juste dans les disques de groupes qu'on a découverts récemment, là, comme Evelyn Dust, Nathan... Fabrica della Soluto. Tu sais, c'est... On peut rajouter Anne Majora, et puis il y en a d'autres, et ça n'arrête pas. C'est paradoxal quand tu sais qu'en Italie même, ils ont beaucoup de difficultés à jouer, à se produire en public, et puis par contre, les disques sortent à un rythme assez incroyable, c'est même dur à suivre, puis ce qui est pire encore, c'est que la distribution... Elle doit être très difficile. Elle est oui. Très difficile. C'est pas les disques les plus faciles à trouver, les disques italiens. C'est malheureusement... Non, heureusement, vous avez vos passionnés de terrain incognito qui vous trouvent des petites perles, des petites perles de prog italien. Oui, absolument. Il y avait eu Eden Song avant, non? C'est pas ça? C'était, tout juste avant, c'était Verbal Delirium, oui, un groupe grec de leur plus récent. Je pense qu'il est sorti, là, The Imprisoned Word of Fear. Un groupe grec. Il n'y en a pas beaucoup, là, quand même. C'est un bon. J'aime beaucoup le mélange là, de punché puis de prog avec les synthés. Beaucoup de claviers, là, les synthés. C'est vraiment bien. Eden Song, que tu ça c'est leur plus récent, ben, qui est sorti là, maintenant, The Years in the Garden of Years. C'est leur deuxième studio, si on. on fait exception là, du petit hippie qui ont sorti à un moment donné avec. Il y avait une pièce d'ailleurs enregistrée à Terra Incognita. Ah oui, oui, oui. Oui, ah, oui, là, oui il avait sorti ça deux ans après leur passage, peut-être. Un peu moins. Un an après leur passage. Oui, oui. Avec, je pense que c'était un hippie de 4 ou 5 pièces. Puis la dernière était bonus Terra Incognita. Et puis, ben, on avait donné le coup d'envoi avec Half Past Four, un groupe torontois. Oui. Ben, d'ailleurs, qui, il y a peut-être 2 ou 3 ans, était présent sur, lors du festival. Je ne me rappelle plus quelle année, exposant, mais comme exposant. Oui, oui. Il avait beaucoup avec aimé l'expérience. Leur album précédent, oui. Mais là, c'est un EP, là. Dommage que ça ne soit pas un album complet, là. Oui, bon, effectivement, parce que le précédent était vraiment bien. Ouais. Et puis, ben là, on a une petite surprise. Oui, on a une nouveauté, hein. Vous saviez que... Van der Graaf. On a des fans de Van der Graaf dans la pièce. Il y a un nouveau Van der Graaf qui est paru le 30 septembre. Do Not Disturb. C'est leur troisième, en fait, en trio. Depuis qu'ils sont en trio, Van der Graaf. Ouais, c'est leur troisième. Depuis là, que David Jackson... Fait, ouais, Trisector. Ensuite, il y a eu Grounding in Numbers. Et maintenant, donc, ce nouvel album, moi, je l'aime beaucoup. Là. On se retrouve un peu dans les ambiances de Peter Hamill qui... On a, par endroit, là... Ok, toi, tu veux... Mais après ça, whoop, là, on dira, ah, oui, c'est vrai, c'est vraiment c'est Van der Graaf. Là, okay. Ouais. Ouais. Bon, ben, moi, j'aime beaucoup. En fait, j'ai écouté toute la semaine depuis que je l'ai reçu en boucle. Et je l'adore. Peux-tu répéter le titre encore? Do Not Disturb. OK, parfait. Ne pas déranger. Et ce sera la pièce Alpha Berlina. Puis après ça, on enchaîne avec... Ça va bien. Il va y avoir de l'italien après le Cosa Rara. Justement, une autre découverte italienne. C'est instrumental. Moi, j'aime beaucoup. Ce disque-là, on va arrêter dans. On va garder des surprises, là, quand même. Donne-nous pas toutes les punches. Tant de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita sur les ondes de CKRL 89.1. Of interest, it'd be an education for me to simply talk you through how I wore my innocence as some kind of novelty, as if I didn't know. Between the devil and the deep blue sea, of caution was abandoned in the moment. Our eagerness to claim the day. The dice we rolled would take us anywhere, and there were no excuses left to stay. This was the time, this was the chance to go. Up to the summer sun and drive 1,000 miles. We'll be right back. The stars were tumbling end to end. I knew I'd never feel as free as this again. The sea below us like a glass. We drifted through the heaven vents. Of time, I can look back and say, I first fell on my feet in the Alpha. haven't been there before. I've been wrong, but I have there. For the honey bee and live alone in the bee loud glade, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veil of the morning. We're the creatures untamed by a king. We follow nature and nature provides. We want a dear to those holy lives. City we came to feed, seeking knowledge to fill a need of understanding our own portrayal, the rules that govern where we set sail. Substitutes that felt good at first. We got blinded by the light ahead, seeing contours and shadows instead. We forgot what we're searching for, slowly drifting to find a shore. Time might bring balance. ça nous vient de Scandinavie, bon feeling, années 70. Olon, H-O-L-O-N, de son véritable nom, Ronnie Pedersen, un Norvégien, et puis il faut le signaler quand même, il n'y a pas beaucoup de parutions progressives en provenance de Scandinavie depuis, mon Dieu, c'est rarissime, il y en a de moins en moins, et puis souvent, mais c'est des vieux routiers qui nous donnent signe de vie, comme Reinstolt et Jonas Rengold, des gens qui font rouler Caipa da Capo, Car Mécanique et autres. Il y a Ricard aussi qui est actif, mais la Scandinavie, c'est plus ce que c'était. Donc, on peut souligner donc le travail de M. Pedersen. Olin, The Time is Always Now. Et c'est un disque qui a été réalisé avec la complicité de Rhys March, un musicien et réalisateur britannique qui s'est établi en Norvège il y a peut-être 7-8 ans, et puis qui a fondé sa maison de disques Autumn Songs Record, et puis qui produit pas mal de ce temps-ci lui-même et puis avec d'autres groupes. Et donc ça, c'est la plus récente production, Olin, The Time is Always Now. Tout juste avant, il y avait Cosa Rara, ça nous vient d'Italie, des genoux là, qui nous ont pondu un superbe disque instrumental, Cosa Rara, donc. Et Marc avait glissé Van der Graaf au début, le plus récent, Please Don't Disturb, je pense que j'ai pas pris le titre en note, malheureusement, mais Marc il pourrait pas me dépanner seulement. Donc, c'est le plus récent Van der Graaf Studio, et c'était la pièce Alpha Berlina. Dernière demi-heure ensemble, on va aller faire un petit tour du côté de l'Angleterre, cette fois avec The Gift, un disque, c'est leur troisième sauf erreur, et puis je pense que c'est surtout un tandem et qui travaille depuis le début des années 2000. Sur ce disque-ci, il y a notamment comme invités spéciaux Anthony Phillips et Steve Hackett, mais ils sont pas sur la pièce qu'on va écouter. Je pense qu'on va peut-être se risquer à la passer, mais Bruno, il me dit que ça sonne trop comme une berceuse. Ça, c'est son opinion. Mais celle-ci, c'est pas le cas. Donc, vous comprenez que la pièce où Steve Hackett joue est assez comme tranquille et acoustique. Donc, on y va avec The Gift. C'est dernière demi-heure, Terrain Incognita. Michel, Marc et Bruno. Thank you.

craggy mountainside, wondering, watching as your mind flies by. Get your feet down to the ground, better try. Now's the time to free your mind. Fly, fly, fly. Hold your head up to the sky, fly high. See the heavens open doors by by. Tycoon and the C'est déjà la fin. Et oui, ça passe vite en 2 ans. Tellement. Incroyable. Quand on écoute de la bonne musique. Ben écoutez, on va jeter un petit coup d'œil avant de vous dire bonsoir à rester des nôtres. ce qu'il joue présentement, là, c'est un extrait d'un disque de Lucas Kerani, le bras droit de Fabio Juventi, entre autres, là, qui joue aussi claviériste de la Cosciencia di Zeno. Arrangeur de grand talent. Et ça, c'est son dernier disque solo, Everybody's Waiting. Avant, on avait... On a fait un petit clin d'œil aux années 70. Absolument, avec un album de 1973. Puis ça, j'adorais ça, moi, les années 70, ce groupe-là. String Driven Thing, c'est un groupe de l'Écosse. C'est leur troisième album, The Machine That Cried, probablement leur meilleur. Ça, tu as choisi ça parce que... Ben, Chris Adams, c'est qui ça. Est le chanteur, le compositeur et guitariste de ce groupe-là, il est décédé. Il vient juste de décéder d'un cancer. Ça a été annoncé aujourd'hui. Là, j'ai vu ça, donc je me suis dit... Oh, Ben, ça vaut la peine de le souligner. Voilà. Ben, d'autant plus que... La pièce éponyme, là. The Machine That Cried. Et puis, ben, faut dire aussi que c'est le groupe qui a accueilli pendant plusieurs années Graham Smith, des complices de Peter Hamill. Oui, absolument, hein, qui a joué dans Van der Graaf. Aussi. Dans la période Van der Graaf, justement. Oui, avec The Quiet Zone de Peugeot Dome et Vital. Exact. Puis ben avant, moi, je me suis fait un petit plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais l'écouter. Les années 70 aussi. Oui, ben 1970, tapant. Rare Bird. C'est drôle parce que ce groupe-là a passé un peu comme une... Plus inaperçu que beaucoup d'autres. Oui, ils ont eu quand même un succès, la titre Sympathy, là, qui est un peu comme le... Comment je pourrais dire ça? C'est comme le Night in White Satin de Rare Bird. Oui. Le pendant que ce que les Moody Blues ont eu comme succès. Exact. La pièce connue. Et c'est de leur disque As Your Mind Flies By. Moi, j'adorais le clavier puis la voix de ce groupe-là. Le chanteur, je trouvais une voix un peu à l'Arthur Brown, vraiment intéressante. Puis je pense qu'on va prendre l'habitude de faire jouer les prochaines semaines, d'aller creuser un peu dans les groupes moins connus des années 70. Ouais. Je pense que puis ça prépare le terrain pour l'autoroute. Absolument, oui, c'est ça. Donc, Stéphane est là. Restez des nôtres à CKRL pour l'autoroute dans quelques instants. C'était Michel, Marc et Bruno. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Même heure, même poste. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'informations complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. La 26e édition des rendez-vous Estrade du 6 au 10 octobre.